Vive tête d'enfant par la course effarée, nous poursuivions dans l'air, sans elle bigarrée. Le soir, nous étions là, nous revenions, jouant avec tout ce qui joue, frais, joyeux, et tous deux, baisés à pleine joue par notre mère, hélas, elle grondait. Voyez, comme ils sont faits, ces hommes, les monstres, ils auront cueilli toutes nos pommes. Pourtant, nous les aimons. Madame, les garçons sont le souci des mères, car ils ont la fureur de courir dans les pierres comme font les démons. Puis un même sommeil, nous berçant comme un hôte, tous deux, au même lit, nous couchés côte à côte. Puis un même réveil. Puis, trempés dans un lait sorti chaud de l'étable, le même pain faisait rire à la même table notre appétit vermeil. Et nous recommencions nos jeux, cueillant par gerbe les fleurs, tous les bouquets qui réjouissaient l'herbe, le lys, adieu, pareil. Surtout, ces fleurs de flamme et d'or qu'on voit, si belles, luire à terre en avril, comme des étincelles qui tombent du soleil. On nous voyait tous deux, gaieté de la famille, le front épanoui, courir sur la charmille, l'œil de joie enflammé. Hélas, hélas, quel deuil pour ma tête orpheline! Tu vas donc désormais dormir sur la colline, mon pauvre bien-aimé. Tu vas dormir là-haut, sur la colline verte, qui, livrée à l'hiver, à tous les vents ouverte, a le ciel pour plafond. Tu vas dormir, poussière, au fond d'un lit d'argile. Et moi, je resterai parmi ceux de la ville qui parlent et qui vont.